Premier chapitre. Premier chant de Sigurd, vainqueur de Fafnir, ou la prophétie de Gripir. Gripir était fils d'Eilimi et frère de Jördi. Il régnait sur plus d'un pays. Il était le plus savant des hommes et il connaissait l'avenir. Sigurd, chevauchant seul, arriva au palais de Gripir. Il était facile de reconnaître le héros. Il rencontra devant le palais un homme qui s'appelait Gaitir et il lui adressa la parole. Sigurd l'interrogea et dit « Qui habite en ce palais? Comment nomme-t-on le roi de ce pays ?»« Gaitir. Il s'appelle Gripir, le chef des guerriers qui gouvernent ce royaume et ceux qui l'habitent. »« Sigurd, le roi est-il ici et voudrait-il m'accorder un entretien ?» Un inconnu désire lui parler. Je voudrais voir Gripir le plus tôt qu'il se peut. Gaitir. Le bon roi demandera à Gaitir comment se nomme celui qui désire lui parler. Sigurd. Je m'appelle Sigurd. Je suis le fils de Sigmund et ma mère est Jördi. Gaitir alla dire à Gripir. Un inconnu de noble apparence vient d'arriver et il désire vous entretenir. Le roi puissant sortit de son appartement et salua amicalement le chef étranger. « Accepte l'hospitalité, ô Sigurd. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Va, Gaitir, et conduis son cheval Grani. » Ils se mirent à causer et se dirent beaucoup de choses quand ils se virent ainsi, ces sages guerriers. « Dis-moi, si tu le peux, ô frère de ma mère, quelle sera la destinée de Sigurd ?»« Gripir, tu deviendras le chef le plus puissant de la terre et tu seras considéré comme le plus noble des rois. » Prompt à donner, lent à maudire, beau de visage et sage en parole. Sigurd, dis-moi, roi magnanime, mieux que Sigurd ne peut le demander, dis-moi, ô voyant, ce que tu dois apercevoir. Que m'arrivera-t-il d'heureux quand j'aurai quitté ce palais ? Gripir, d'abord en combattant, tu vengeras ton père et tu tireras vengeance de tout ce qu'Aelimi a souffert. Tu tueras les fils de Hunding, ces guerriers forts et rapides, et tu obtiendras la victoire. Sigurd, parle, noble roi, mon parent, fais-moi tout connaître, puisque nous parlons à cœur ouvert. Vois-tu les exploits de Sigurd s'élever jusqu'à la voûte des cieux ? Gripir, seul tu tueras le terrible dragon qui brille couché sur la Gnitaheid. Tu mettras à mort les deux frères Regin et Fafnir. Voilà ce que voit Gripir. Sigurd, si je parviens, comme tu l'annonces, à vaincre ces guerriers, je deviendrai le maître de grands trésors, mais que ton esprit pénètre plus avant et me fasse connaître quelle sera ensuite ma destinée. Gripir, tu trouveras l'or sur lequel Fafnir est couché, et tu emporteras le trésor brillant. Chargeant Grani de ses richesses, tu chevaucheras vers Gjuki, ô vaillant héros. Sigurd, ô roi qui voit l'avenir, tu en diras plus encore au chef dans cet entretien amical. Je deviens l'hôte de Gjuki et puis je le quitte. Quelle sera ensuite ma destinée ? Gripir, après la mort de Helgi, sur un rocher dort la fille du roi, belle sous son armure. Tu coupes sa cotte de maille du tranchant de ta bonne épée qui a tué Fafnir. Sigurd, la cotte de maille s'entr'ouvre. Elle se met à parler, la jeune fille, la belle, tirée ainsi de son sommeil. Que dira la voyante à Sigurd qui puisse être utile à ce héros ? Gripir, elle t'enseignera les runes puissantes que tous les hommes voudraient connaître. Elle t'apprendra à parler toutes les langues et à distinguer les baumes qui guérissent. Salut, ô roi ! Sigurd, tout est bien, j'ai recueilli la science et je suis prêt à chevaucher plus loin. Que ton esprit pénètre plus avant et me fasse connaître quelle sera ensuite ma destinée. Gripir, tu arriveras dans la demeure de Heimir, et tu deviendras l'hôte heureux de ce chef des peuples. Je ne vois point plus loin, Sigurd. Tu ne dois plus rien demander à Gripir. Sigurd, tes paroles me troublent, car certes, ô roi, tu vois encore plus loin. Aperçois-tu quelque terrible malheur pour Sigurd, que tu veuilles le lui cacher, ô Gripir ? Gripir, j'ai pu voir devant moi dans tout son éclat le printemps de ta vie. C'est à tort qu'on m'a nommé un sage et un voyant. J'ai dit ce que je savais. Sigurd, je ne connais personne sur la terre qui voit aussi bien dans l'avenir que toi, Gripir. Tu ne dois pas me cacher ce qu'il peut y avoir de sombre dans ma destinée, pas même mes méfaits. Gripir, Aucun méfait ne souillera ta vie. Quitte ce souci, noble chef. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, aux princes des épées acérées, ton nom sera honoré. Sigurd, puisqu'il en est ainsi, ce qui m'afflige le plus, c'est que Sigurd doive se séparer ainsi du voyant. Montre-moi le chemin au frère de ma mère, puisque tu le peux. Tout d'ailleurs est déterminé d'avance. Gripir, je dirai tout à Sigurd, puisque le guerrier m'y oblige. Sache-le, car c'est la vérité. Le jour de ta mort est fixé. Sigurd, je ne veux pas t'irriter, noble roi, mais je désire obtenir tes bons avis, ô Gripir. Je voudrais savoir quel est le sort, quelque terrible qu'il soit, qui attend Sigurd. Gripir, près de Heimir, il est une jeune fille, belle de visage, qui s'appelle Brunhild. Elle est fille de Budli, et le bon Heimir veille sur la Vierge au cœur fier. Sigurd, qu'ai-je à craindre de la jeune fille belle de visage qu'élève Heimir? Voilà ce que tu dois me dire, Gripir, car tu vois tout dans l'avenir. Gripir, elle t'enlèvera le bonheur, la belle Vierge que Heimir élève. Tu ne dormiras plus du bon sommeil, tu ne jugeras plus les différents, tu éviteras les hommes quand tu auras vu la jeune fille. Sigurd, rien n'adoucira-t-il les soucis de Sigurd? Dis-le-moi, Gripir, car tu le vois. Ne puis-je acheter avec le trésor des fiançailles la Vierge, la charmante fille d'un roi puissant? Gripir, vous échangerez tous les serments les plus sacrés, mais vous en tiendrez peu. Que pour une nuit seulement tu deviennes l'hôte de Gyuki, et ton cœur aura oublié la Vierge qu'élève Heimir. Sigurd, comment donc? Gripir, réponds-moi. Vois-tu l'inconstance dans mon âme? Ne garderai-je pas ma foi envers la jeune fille que je parais aimer du fond du cœur? Gripir, tu agiras ainsi, chef, par les ruses d'autrui. Les conseils de Grimhild te perdront. La femme au voile blanc t'offrira sa propre fille. Elle te trompera, ô roi. Sigurd, si je m'allie à Gunnar et à son frère, et si je deviens le fiancé de Gudrun, je serai très heureux, à moins que je ne doive craindre la trahison. Gripir, Grimhild t'enivrera complètement. Elle t'amènera à conquérir Brunhild pour la remettre aux mains de Gunnar, le roi des Goths. Tu te hâtes trop de promettre cette entreprise à la mère de ce chef. Sigurd, de mauvaises actions vont se commettre, je le vois. La volonté de Sigurd est troublée. Si je dois obtenir pour un autre la Vierge charmante que j'aimais moi-même. Gripir, vous échangerez vos serments. Gunnar, Hugni et toi, héros, le troisième. En chemin, Gunnar et toi, vous prendrez la forme l'un de l'autre. Gripir ne ment pas. Sigurd, pourquoi ferons-nous cela? Pourquoi en chemin prendrons-nous la forme l'un de l'autre? Je soupçonne déjà que d'autres tromperies plus noires vont suivre. Parle encore, Gripir. Gripir, voilà que tu as pris les traits et la forme de Gunnar, mais tu conserves ta parole et tes sentiments élevés, et ainsi tu engages ta foi à la noble pupille de Heimir. Personne ne peut l'empêcher. Sigurd, ce qui me paraît le plus affreux, c'est que Sigurd passera pour un fourbe si les choses arrivent ainsi. Ce serait malgré moi qu'avec tant de perfidie j'abuserais la fille des héros dont je connais le grand cœur. Gripir, tu reposeras près de la Vierge, chef des armées, comme auprès de ta mère. C'est pourquoi, ô prince des peuples, tant qu'il y aura des hommes, ton nom sera honoré. Le même jour on boira aux noces de Sigurd et de Gunnar dans les salles de Gyuki. Vous changerez de nouveau entre vous de visage et de forme, mais chacun gardera son cœur. Sigurd, Gunnar, ce héros magnanime, obtiendra-t-il une chaste épouse? Dis-le-moi, Gripir, après que la noble fiancée du guerrier aura couché 3 nuits à mes côtés, cela serait inouï. Cette alliance sera-t-elle un bonheur pour nous tous? Dis-moi, Gripir, aurons-nous lieu de nous en réjouir, Gunnar et moi? Gripir, tu te souviens de ton serment, mais tu dois te taire. Tu gardes à Gudrun l'affection d'un époux. Seulement Brunhild pense qu'elle est mal mariée, et cette femme habile songe à se venger par ruse. Sigurd, quelle amende acceptera cette femme que nous avons trompée pour la marier? J'ai fait des serments à la noble jeune fille, et je ne les ai pas gardés, et elle a perdu le repos. Gripir, elle dira à Gunnar que tu n'as pas été fidèle à ta promesse, tandis que ce chef, l'héritier de Gyuki, avait placé en toi toute sa confiance. Sigurd, qu'en est-il de tout cela? Grépire, réponds-moi, aurais-je été coupable, ou la femme digne d'amour nous calomnie-t-elle tous deux? Parle au Grépire. Grépire, par peine de cœur et grand souci, la noble femme te calomniera. Quoique par ruse tu aies trompé la reine, tu respecteras toujours la belle jeune fille. Sigurd, obéiront-ils à ces suggestions le sage Gunnar, Guttorm et Högni? Les fils de Gjuki rougiront-ils leurs épées dans mon sang, à moi, leurs parents? Parle, Grépire. Grépire, de colère, le cœur de Gudrun se brise quand ses frères ont résolu ta perte. Cette femme vertueuse vit désormais privée de joie. Voilà ce qu'a fait Grimhild. Voici ce qui peut te consoler, ô chef d'armée. Telle doit être ta vie, ô roi, que jamais sur la terre ou sous le soleil n'aura paru un homme comme toi, Sigurd. Sigurd, séparons-nous donc gaiement, nul ne peut vaincre le sort. Tu as accédé à ma demande, Grépire, et si cela avait dépendu de toi, tu m'aurais annoncé une destinée plus heureuse.